Divers pays ont rapporté du 4 au 6 courant les nouvelles des activités révolutionnaires du maréchal Kim Jong-un. L'agence de presse russe TASS, le journal Dagombao et la télévision satellitaire finissent en Hong Kong de Chine, l'agence de presse japonaise Kyodo, la revue d'internet Nepal Today, le journal sénégalais Le Populaire ont fait part de l'inspection par le maréchal Kim Jong-un de la savonnerie de Ryongwaksan en construction et de la colonie de vacances de Mangyongdae nouvellement réaménagée. La télévision presse de l'Iran a informé de sa visite à la colonie de vacances de Mangyongdae, nouvellement réaménagée. La page d'internet de l'association d'amitié Baekdusan Tchèque-Corée a rapporté qu'il a visité le chantier de construction du complexe ophtalmologique Rugyon et la saline de Gyusson pour s'enquérir de la production du sel par l'ultrasaumure souterraine de l'armée populaire. Les masses médias chinois, népalais, iraniens et tchèques ont présenté les photos du maréchal Kim Jong-un.